Bonjour, je m'appelle François Béguin et aujourd'hui je vais vous parler de mon principal domaine de recherche qui est la théorie des systèmes dynamiques. Alors, il va écrire un mémoire qui contient un nombre de résultats absolument époustouflants et tous plus intéressants les uns que les autres. Dans ce mémoire, il y a au moins deux résultats qui nous intéressent, parce que ce sont peut-être deux des plus importants résultats en système dynamique, même de nos jours. Et surtout, en un certain sens, ils initient la théorie des systèmes dynamiques modernes. Alors, le premier résultat, c'est ce que Poincaré appelle son théorème de stabilité à la Poisson, et qu'on appelle aujourd'hui le théorème de récurrence de Poincaré. Voici ce que Poincaré démontre. Poincaré démontre que si on considère un système solaire idéal, pour la plupart des positions et des vitesses initiales des planètes, le système va repasser une infinité de fois, infiniment près de sa position initiale. Ça veut dire que pour la plupart des états initiaux du système, par exemple, on n'aura pas d'éjection de planètes. Alors, la plupart, c'est au sens probabiliste. Poincaré ne considère pas qu'on a un état initial du système qui nous est donné par les positions et les vitesses actuelles des planètes, mais qu'on peut imaginer n'importe quelle position et vitesse initiale. Après tout, on ne connaît pas les positions et les vitesses initiales avec une précision infinie, on les connaît de manière approximative, et on peut imaginer que, puisqu'on ne les connaît que de manière approximative, on va tirer au hasard des positions et des vitesses initiales au sein de la zone d'incertitude. Et donc, Poincaré introduit un point de vue probabiliste dans ce problème. En plus, Poincaré, finalement, a une ambition, en un certain sens, très modeste, puisque il ne nous dit pas du tout quelle va être l'allure des trajectoires des planètes. La seule information qu'il donne, c'est que le système va repasser près de son état initial. C'est donc une information très qualitative, très faible, mais c'est le premier résultat qui est valable en temps infini, qui concerne l'évolution à très long terme, et on va dire à aussi long terme qu'on veut, du système solaire, et qui ne fait aucune approximation sur la loi d'évolution, qui ne concerne pas des développements de la force d'attraction. Une autre chose incroyable, c'est que on avait les résultats de Laplace, Lagrange, Poisson, et tout ça, qui étaient de plus en plus sophistiqués, dont les preuves étaient extrêmement longues et basées sur des calculs complexes. Le théorème de récurrence de Poincaré a une preuve qui tient en une demi-page. La vraie révolution, c'est en aucun cas un tour de force technique, c'est juste changement complet de point de vue, une vraie révolution, une vraie nouvelle manière de penser. Poincaré pense de manière complètement, d'une part complètement qualitative, et d'autre part introduit un outil probabiliste dans le problème. Ce qui est quelque chose qui est en un certain sens un pari un peu fou, puisqu'on n'a aucune raison, le système solaire est ce qu'il est, les positions des planètes sont ce qu'elles sont, tirer des positions au hasard est quelque chose de, a priori qui n'a pas de sens. Mais il se trouve que c'est un point de vue fructueux et qui se développe toujours énormément aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la théorie ergodique. Donc ça, c'est le premier résultat du mémoire que je voulais mettre en avant. Alors en fait, c'est pas du tout le résultat que Poincaré considère comme le résultat principal du mémoire. Pour Poincaré, certainement que le résultat principal du mémoire, c'est un résultat de stabilité plus fort. Poincaré démontre que les planètes vont devoir rester confinés à tout jamais dans des régions relativement fines autour de leur trajectoire actuelle, de leurs ellipses keplériennes. Alors là, la preuve est un peu plus sophistiquée, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est sûrement le résultat que Poincaré considère comme important. Le mémoire comporte en exergue une phrase latine qui dit les astres ne dépasseront jamais leurs limites, et qui est donc une version codée, en un certain sens, de ce résultat. Les mémoires étaient anonymes, et donc cette exergue sert en fait à distinguer les mémoires. Alors, très bien, donc Poincaré soumet son mémoire. Il est évident, dès l'ouverture des copies, que c'est ce mémoire qui va gagner le prix. Les mémoires sont anonymes, mais tout le monde sait que c'est le mémoire de Poincaré. Donc Poincaré, on annonce à Poincaré qu'il a remporté le prix, on lui verse la somme et on donne le mémoire à un jeune mathématicien pour qu'il fasse le travail d'édition, qu'il fasse la relecture. Ce que fait Fragmen, et au bout d'un certain temps, Fragmen envoie un certain nombre de remarques à Poincaré et de questions. En gros, il soulève un certain nombre de points qui lui semblent obscurs et que Poincaré devrait préciser pour aider à la compréhension. Tous les points, essentiellement tous les points ne posent aucun problème. Et Poincaré détaille un peu les choses nécessaires, sauf un point qui concerne une des deux preuves que Poincaré donne de son théorème de stabilité. Parce que j'ai oublié de dire que Poincaré, dans son mémoire, suggère deux preuves différentes. Poincaré se rend compte qu'effectivement, sa preuve est loin d'être précise. Il essaie de la corriger, de la préciser plus exactement. Et puis, il se rend compte qu'il y a un problème. Et petit à petit, ce problème devient un trou béant dans la preuve. Poincaré regarde d'autres preuves, se rend compte qu'il y a également un trou béant de nature complètement différente. Il y a une preuve qui est analytique, calculatoire en un certain sens, et une preuve qui est basée sur un argument purement géométrique. Mais il y a un problème très important dans chacune des deux preuves. Et en fait, ça va même beaucoup plus loin. Poincaré se rend compte que le théorème qu'il a démontré est potentiellement complètement faux. Et pire, se rend compte que si ce théorème est faux, alors cela a des conséquences dramatiques en un certain sens. Si le théorème est faux, alors le système solaire va avoir un comportement formidablement compliqué et chaotique. Ce comportement n'aura strictement rien à voir avec la sagesse des ellipses keplériennes. Le comportement, les trajectoires des planètes pourront non seulement être extrêmement compliquées, mais ces trajectoires des planètes dépendront radicalement de leur position et de leur vitesse initiale. Poincaré mesure les conséquences de son erreur, mais avoue son incapacité même à se représenter quelle serait la dynamique, l'évolution du système si le théorème, et non seulement et pas seulement la preuve, s'avérait faux. Donc, bien sûr, Poincaré le signale, explique tout ça à Meta Gleffler, qui est extrêmement embêté parce que le prix a déjà été annoncé. Il a peur d'être que ça vexe beaucoup le roi, que ça fâche beaucoup le roi. Bon, il y a tout un petit épisode un peu rocambolesque où Meta Gleffler utilise toutes sortes d'excuses pour essayer de récupérer toutes les copies du mémoire qui avaient été envoyées. Il prétend qu'il y a des petites erreurs d'impression dedans, qu'il faut les récupérer. Je crois qu'il envoie même un messager reprendre dans la boîte, le manuscrit dans la boîte aux lettres de quelqu'un, sans le dire à quelqu'un. Le membre principal du jury, qui est Weierstrass, n'est pas informé de ce problème. Bref, Poincaré corrige le mémoire, bien sûr, sans le théorème qui est faux, sans la preuve du théorème qui est faux. Et on a une nouvelle version imprimée. Poincaré prend en charge les frais d'impression, qui lui coûtent d'ailleurs plus cher que le prix qu'il avait reçu. Ceci étant, bien entendu, le mémoire mérite toujours très largement le prix pour les autres théorèmes qui sont dedans. Et en fait, paradoxalement, peut-être que l'apport le plus important du mémoire, c'est la découverte que ce théorème peut être faux et donc que le système solaire peut très bien ne pas être stable. En fait, c'est pas tant le fait que le système solaire pourrait ne pas être stable qui est important, mais plutôt la découverte d'un mécanisme très simple que Poincaré met à jour et qui est un mécanisme géométrique très simple et qui entraîne automatiquement un comportement chaotique, extrêmement compliqué. Voilà. Alors, à vrai dire, les travaux de Poincaré vont être un peu oubliés. Je crois que sur le moment, ils n'ont pas été très bien compris. Et Poincaré n'a pas eu beaucoup de successeurs, à part Georges Birkhoff. Donc maintenant, je voudrais peut-être évoquer un autre théorème qui concerne également le système solaire, la mécanique céleste, qui est un théorème qui va dans un sens complètement opposé, et qui est un théorème qu'on appelle le théorème calme, qui est dû à Kolmogorov, Arnold et Moser. Donc en 1954, au Congrès international des mathématiciens qui a lieu tous les 4 ans, Kolmogorov présente un résultat, qui est un résultat de stabilité du système solaire, ou plus généralement, en fait, un résultat de stabilité des systèmes mécaniques sans frottement. Alors, je vais préciser un petit peu. Parmi les systèmes mécaniques sans frottement, qu'on appelle les systèmes hamiltoniens, il y a ceux qu'on dit totalement intégrables. En fait, ce sont les systèmes mécaniques sans frottement qui ont un comportement très simple. Un exemple de tel système, c'est le système solaire où on négligerait les attractions mutuelles entre les planètes, où on ne tiendrait compte que de l'attraction du système solaire. Le comportement est très simple puisque toutes les trajectoires sont des ellipses keplériennes. Plus généralement, un système totalement intégrable, c'est un système qui a un comportement du même type, à savoir que toutes les trajectoires du système, quel que soit l'état de départ, vont être périodiques ou ce qu'on appelle quasi-périodiques. Donc le système solaire peut être considéré comme une perturbation d'un système totalement intégrable, comme une petite perturbation tout simplement, puisque les attractions mutuelles des planètes sont des petites forces par rapport à l'attraction du Soleil. Et donc le théorème de Kolmogorov, Arnold et Moser concerne les petites perturbations de systèmes totalement intégrables. Et ce théorème dit la chose suivante, ce théorème dit que quand on a une petite perturbation d'un système totalement intégrable, alors on va avoir beaucoup de positions d'états initiaux du système qui vont donner lieu à des mouvements périodiques ou quasi-périodiques, plus exactement quasi-périodiques. Si on essaye de le traduire pour le système solaire, ça dirait la chose suivante, que pour beaucoup de positions initiales et de vitesses initiales des planètes, parmi toutes les positions et les vitesses initiales possibles, en théorie, on va avoir un mouvement périodique ou quasi-périodique qui va être proche d'ellipses keplériennes. Donc en gros, si je veux comparer aux résultats que j'ai énoncés auparavant, d'abord, il y a un énoncé très faible de Poincaré qui est le théorème de récurrence, qui dit que pour presque tout au sens probabiliste, les positions initiales, le système va repasser près de sa position initiale sans dire quoi que ce soit sur ce qui va se passer entre ce départ et ce retour. On ne sait pas quand ce retour va avoir lieu, on ne sait pas si la trajectoire va ressembler à une ellipse keplérienne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va repasser près de la position initiale. C'est un théorème très général et très abstrait. On a le mécanisme mis à jour par Poincaré qui dit que le système solaire pourrait très bien être chaotique, avoir un mouvement compliqué. Il y a un mécanisme très simple qui conduit à cette possibilité. On ne peut pas exclure que ce mécanisme soit présent dans le système solaire. Et on a le théorème de Kolmogorov, généralisé et précisé ensuite par Arnold et Moser, qui fait pencher la balance dans l'autre sens en disant que oui, mais pour beaucoup de positions et de vitesses initiales, on va quand même avoir un mouvement périodique et proche de l'ellipse keplérienne. Donc, si on a de la chance, on va avoir un mouvement quasi-périodique proche de l'ellipse keplérienne. Alors, quand je traduis ce résultat pour le système solaire, en fait, c'est un peu une escroquerie, parce que le théorème CAM en fait concerne des petites perturbations de systèmes totalement intégrables. On ne sait en gros le démontrer explicitement que pour des toutes petites perturbations, alors que la perturbation liée par exemple à l'attraction de Jupiter sur la Terre n'est pas si petite que ça. C'est une perturbation qui est 25 000 fois plus faible que la force d'attraction du Soleil. Et on ne sait pas démontrer le théorème CAM dans ce cadre, pour l'instant. Alors, quel genre de résultat les mathématiciens qui travaillent en système dynamique essaient-ils de démontrer aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs milliers de mathématiciens qui travaillent en système dynamique, ce serait très difficile de faire un panorama. J'ai peut-être donné des très grandes directions. Tout d'abord, le point de vue probabiliste qui avait été un tout petit peu esquissé par Poincaré s'est beaucoup développé. Et surtout, on a découvert que les systèmes qui avaient un comportement chaotique pouvaient, en un certain sens, être faciles à étudier. A priori, découvrir qu'un système est potentiellement chaotique, comme l'avait fait Poincaré, c'est une très mauvaise nouvelle. Et c'est d'ailleurs essentiellement la seule chose qu'avait fait Poincaré, c'est pas du tout, dans son deuxième résultat, dire quoi que ce soit sur l'évolution du système solaire, c'est juste annoncer une mauvaise nouvelle, mettre le doigt sur un mécanisme mathématique qui forcerait le système à avoir un comportement compliqué, sans rien dire sur ce comportement compliqué, en gros. Un système chaotique, de manière plus générale, c'est un système qui a une loi d'évolution qui est parfaitement déterministe, mais et qui peut être très simple, mais qui a un comportement extrêmement compliqué et surtout extrêmement sensible aux conditions initiales, on dit. C'est-à-dire que quand on a une toute petite perturbation de l'état initial du système, cela va conduire à un comportement complètement différent à long terme. En fait, dans les années 1970 à peu près, il y a eu un début de prise de conscience qui est que finalement, les systèmes chaotiques pourraient très bien, en un certain sens, être faciles à étudier. Alors bien sûr, puisqu'ils sont chaotiques, on ne peut pas les étudier d'un point de vue complètement classique, au sens où la sensibilité aux conditions initiales dit que si on a une position de départ donnée, on ne saura pas, qui est connue avec une certaine imprécision, on ne saura pas dire dans quel état est le système au bout d'un temps très long donné. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est qu'il se pourrait très bien que ces systèmes soient faciles à étudier d'un point de vue probabiliste. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en un certain sens, le plus le système est chaotique, le plus ce système qui a beau être formellement déterministe, se comporte de manière qui semble aléatoire. Ça veut dire que ce qu'on constate, c'est que pour les systèmes les plus chaotiques, on peut démontrer que ces systèmes se comportent de manière de plus en plus aléatoire et tendent, quand le temps tend vers l'infini, vers un système probabiliste, purement probabiliste, aléatoire, non déterministe. Et donc si on connaît la loi de probabilité de ce système, on va pouvoir faire des statistiques sur le système dynamique déterministe qu'on a pris au départ. Et donc on ne pourra rien dire sur une trajectoire précise, mais on pourra par exemple avoir des informations sur la probabilité que l'état du système se trouve dans telle ou telle zone. Donc ça, c'est une première direction. Donc, en gros, Poincaré avait mis le doigt sur la possibilité d'avoir du chaos. Dans les années 70, on constate que pour les systèmes les plus chaotiques, on peut traiter ces systèmes, entre guillemets, de manière probabiliste. Et hélas, en un certain sens, il y a le problème des systèmes qui ne sont ni très simples, ni, mais n'appartiennent pas non plus à cette catégorie fermée des systèmes les plus chaotiques. Et donc, il y a tout un pan du système dynamique qui s'appelle la théorie ergodique, qui consiste en gros à essayer de traiter de manière probabiliste les systèmes qui sont un peu chaotiques, mais pas suffisamment. Un deuxième ingrédient, c'est le fait qu'on a vite compris que on ne pouvait pas décrire de manière raisonnable le comportement de tous les systèmes dynamiques. Si on veut dire quelque chose sur toutes les lois d'évolution possibles, on n'arrivera qu'à dire des choses anecdotiques. Par contre, on peut essayer de dire des choses sur la plupart des systèmes dynamiques. Ça veut dire que là, j'ai beaucoup parlé du point de vue probabiliste qui consiste à considérer la plupart des positions initiales et des états de départ. Là, maintenant, je ne suis plus en train de considérer la plupart des positions et des états initiaux, mais la plupart des lois d'évolution. C'est-à-dire qu'on se dit, après tout, cette loi d'évolution, si je suis parti d'un système physique, j'ai fait des approximations, j'ai négligé des termes relativistes, j'ai négligé des météorites, et donc je ne connais pas ma loi d'évolution de manière exacte, hein, et je peux essayer de démontrer quelque chose pour la plupart des perturbations de cette loi d'évolution. C'est ce qu'on appelle le point de vue générique. Donc il y a beaucoup de gens actuellement qui essayent de démontrer que pour la plupart des lois d'évolution, on peut faire des probabilités, on peut traiter les systèmes de manière probabiliste, de manière satisfaisante. Voilà. Alors, tout ce point de vue probabiliste, c'est aussi développé pour lui-même, en un certain sens. C'est-à-dire que on a vu que il y a très longtemps de cela, Poincaré introduit un point de vue probabiliste dans l'étude du système solaire. Très vite, la théorie mathématique qui lui est liée s'est développée, c'est-à-dire qu'on a commencé à considérer des systèmes dont les lois d'évolution ne sont plus données même par des équations différentielles, mais simplement par des transformations qui vérifient les propriétés minimales pour pouvoir faire des probabilités. Et donc on a besoin de mesures de probabilité et de transformations qui préservent ces mesures de probabilité. Et il y a tout ce qu'on appelle la théorie ergodique abstraite, qui consiste à étudier ces systèmes qui ne peuvent pas venir de systèmes dynamiques concrets, au sens où ils n'ont rien de... Leurs lois d'évolution ne sont pas des équations différentielles, mais des transformations beaucoup plus abstraites. Si je veux donner un exemple de résultat sur lequel j'ai travaillé, il y a quelques années, avec Frédéric Leroux et Sylvain Crovisier, nous avons essayé de montrer que certaines classes de ces systèmes dynamiques dont les lois d'évolution sont des lois d'évolution abstraites peuvent en fait être réalisées par des systèmes dynamiques avec des lois en un sens plus classique, données par des transformations continues, quelque chose qui ressemble un peu plus à des équations différentielles. C'est en un certain sens le cadre naturel pour étudier de manière probabiliste les systèmes dynamiques, c'est ce cadre de lois uniquement mesurables abstraites, la théorie ergodique abstraite. Mais ce qui nous intéresse au départ, c'est un cadre plus restreint, avec des lois qui sont au moins continues et avec une régularité plus forte qui viennent d'équations différentielles, disons. Et on voudrait savoir si les théorèmes généraux, dans le cadre abstrait, peuvent s'appliquer au cadre plus particulier qui nous intéresse.